apporte la bonne galette au lard de Picardie. Hors-tabise, mon époux qui virait à tous les vents. J'ai quelque chose dans ce petit tonneau qui vous fera venir tranquille. Tonneau, tonneau, ma femme, tonneau, tonneau, ma femme, le bon vin de France, le bon vin de France, désormais. Faut plus qu'il soit séparé. Seigneur se rend à Reims pour y être consacré de la main des anges. C'est-il pas le moment de boire un petit coup, puisque Artemis a retrouvé Jean Raisin et que la moitié de la France, sur son cœur, a retrouvé l'autre moitié? Eh ben oui, surtout qu'il fait rudement frisqué, ça on peut le dire. À rester comme ça tout gelé à attendre. Un petit coup de vin, un petit air de danse, ça fait de mal à personne. La forêt elle-même, pour se préparer au mystère de cette sainte nuit, s'est couvert la tête d'un voile blanc. Et vous autres, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Oh, Perrault, là-haut! Est-ce que tu vois quelque chose? C'est Perrault qu'on a envoyé là-haut pour voir. Voile d'Italie! C'est la loi de France! Allons, mes enfants, venez tous autour de moi. Et répétons tous ensemble cette belle antienne de latin tout blanc que je vous ai apprise. La terre a étendu un grand tapis de neige sous les pieds du roi, notre sire. Et nous, de la Loire jusqu'à Reims, il faut que nous étendions un grand tapis de prière. Aspiciens allonge. Vous comprenez? C'est le peuple juif qui attend le Messie, comme nous, le roi, notre sire. Aspiciens confusion. c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Avec Jeanne. Les voix ne m'avaient pas trompé. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompé. Donner ton sang virginal.